enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Jolie fille, tu as de la chance, pour toi nous poussons la romance. Chacun de nous ne sait quoi faire, ne sait plus quoi faire pour te plaire. Tu as toutes nos préférences, jolie fille, tu as de la chance. On est à l'heure au rendez-vous, on te regarde avec des yeux doux, on est prêt à toutes les folies, on veut s'engager pour toute la vie, on est prêt à quitter la famille. Hey, hey, jolie fille, hey, hey, jolie fille, je brille. Hey, hey, jolie fille. Ok, Johnny, go, go. Moving now. Yeah. Jolie fille, tu as de la chance. Tous les garçons viennent vers toi pour t'avoir un jour dans leurs bras. Ils sont prêts à quitter la famille. Hey, hey, jolie fille. Hey, hey, jolie fille. De rien, de rien. Mais avant de dire nos merci, on va dire bonjour à nos amis. Bonjour les amis, comment ça va vous? Comment ça va vous? Mes amis préférés. Il va se passer quelque chose ce soir. Pardon? J'ai dit, il va se passer quelque chose ce soir, cette nuit, entre nous, pour nous et avec nous. Avec nous, en nous et avec nous, en nous, nous portons l'amour universel, la connaissance universelle et la fraternité universelle. Celle que l'on cherche encore aujourd'hui. Le plus payant, Rita, le plus payant, c'est quoi? C'est la gaz, pas l'amour. Encore aujourd'hui, étrangement. Quand on veut faire l'amour, ça c'est tout à fait étrange, mais qu'est-ce qu'on va, hein? Quand on veut faire l'amour, on se protège. Quand on fait la guerre, on se protège. Quand c'est l'hiver, on se protège. Quand c'est l'été, on se protège. On se protège tout le temps. On se protège. On se protège contre quoi? On ne sait plus. On se protège. Les maladies, la mort peut arriver. Sans que vous l'attendiez. Non, on ne la fera pas celle-là. La chanson, là, c'était ma préférée. Public, je vais t'expliquer ce qui va se passer, mais ce qui s'est passé dans ma tête, parce qu'il s'en passe des affaires. Non, mais je ne sais pas pourquoi, mais très peu de personnes s'en doutent, là. Mais oui, regarde-moi, je n'aimerais pas ça être dans sa tête-là. Là. Comme à un moment donné, on avait demandé à une animatrice. Non, je crois que c'est une animatrice qui a dit j'aimerais pas ça être dans la tête de Jean Leloup. Hein? Peut-être non plus que Jean Leloup aimerait pas ça être dans ta tête, hein? Quand il se passe rien, il se passe rien. En stéréo. Oui, oui, en stéréo. Ouais. Aujourd'hui, il n'y en a plus de vidéoclips. T'es vois plus de vidéoclips. C'est des histoires de vedettes américaine traduite en... Non, même pas traduite, c'est sous-titré, même pas sous-titré. C'est fou, il faut être sous pour écouter ça. Faut... Puis encore, là, tu regardes ça. Mieux vaut regarder le hockey, même si tu t'intéresses vraiment pas au sport le plus primitif au Québec. Qui est la pétanque, mais non, c'est pas vrai, il n'y a pas de pétanque. Non, merci. Ben oui, je sais. Oh, la pétanque. Ben moi, là, c'est. Ce qui me plaît là-dedans, c'est le cochonnet. Il est-tu beau, le cochonnet? Pourquoi on appelle ça un cochonnet? Ben, parce que c'est tout petit. Hein? Puis quand on le perd, ben, surtout quand il y a de la terre puis un peu de boue, ben, puis qu'on cherche, ben, c'est un peu cochonnet. Oh mon Dieu, voyons donc, oui, cochonnet, t'as l'air d'une cochonnette. Je suis pas une cochonnette, moi. Je suis une coquette. Une coquette cochonnette. Oh mon Dieu, regarde, elle aime ça, hein? Le samedi, elle, c'est version velours, puis le dimanche, je sais pas si c'est cuir. Avant l'église habillée en cuir. Le curé, il se concentrera pas, là, il pourra pas bénir. Imagine-toi, ça va être béni tout croche avec le désespoir, puis quelque chose va tomber comme satanique. Ça va être satanique. À chaque dimanche, elle arrive ça. Hey. Ses pantalons en cuir noir, sa veste en cuir noir, sa chemise en cuir noir. Et sans parler, son collier en cuir noir. Elle rentre à l'église, tout le monde s'arrête. Ah! C'est pas l'archevêché, c'est l'organiste. Et l'organiste, il regarde ses organes, je veux dire son clavier, là, il organise le tout. Il est tout mêlé, là, il voit la femme et il se dit sa femme chouette. Avec ses grandes moustaches, elle rentre dans l'église. C'est le diable en personne. C'est pas des oreilles, c'est des cornes. Oh là là là, il va se passer quelque chose, là. Et celui qui est en haut, en bois, il sera plus en bois longtemps. Excusez-moi. Mais je pense que c'est juste pour se faire voir. Son mari, un gros bedonnant. Il caissait dans le dépanneur, il caissait, il travaillait derrière une caisse, il travaillait. Avant ça, il y avait un boulot extraordinaire, là. Un boulot de technicien informatique. Pas n'importe quoi, là. Les sous tombaient pour Rosie. Il y a une petite caisse, là. Il parle au monde, parle français, anglais, puis il crache en espagnol. C'est pas de l'espagnol, ça, c'est du hiéroglyphe martien. Tu hiéroglyphes martien. Moi, je fais ça à ma femme, elle aime bien ça. Blablabla. Voyons, c'est pour ça que je t'ai marié. Hein? T'es bizarre. Ta bizarrerie m'intéressera toujours. Oh, quand on va être plissé, on va se compter les plis. Hein? Un pli, deux plis. Oh, ça me donne. Non. Pas de plis, c'est la différence. Je veux pas de différence, moi, entre toi et puis moi, puis entre toi et ta sœur de 20 ans plus jeune. Pis surtout sa fille qui vient d'avoir 23 ans. 23 belles années, des belles petites bajoues. Ah, mon Dieu, hein, quand elle va jouer avec sa petite nièce, là, au rocher perché, au rocher merché, au chemin, hein, à piger dans le pot, puis elle s'est dit, il me semble que tous les cornichons sont pas là-dedans, il y en a dehors, hein, et à mon oncle, elle regarde-moi pas de même, toi, là. Ça en est gênant. J'étais un cornichon, peut-être, là, dégarni au niveau de la ciboulette, mais encore prêt à vinaigrer tout le monde. Hein? Ouais. Ouais. Ouais. Vous avez raison, madame. Ouais. Pas traductrice, si on aurait les moyens de sous-titrer l'émission, sous-titrer, écrire en dessous, je commencerais pas à mimer, là. On appelait ça, dans le cinéma des premiers temps, et ça, faut pas l'oublier, pas des mentions écrites, c'était « Hey, mon cours de... » Je vais me bercer un peu, ça va me revenir, là. Ça te revient-tu? Ça me revient pas. Ça me revient-tu? Ça me revient pas. Attends un peu. C'est des mentions étaient. Merci, ça me... Oh, Saint-Esprit diabolique venu dans mon corps. À soir, on va avoir un grand plaisir à se côtoyer. On appelle ça des mentions. Arrête de dégénérer pas. Reviens sur le mot, là, parce que tu vas l'oublier, toi, là. Ça te prend pas grand-chose. Une petite pellicule qui tombe de ton cheveu, là, puis tu vas partir. Ah, que la neige enneigée, c'est des mentions écrites. Après ça, on va dégénérer. Ah, comment la neige... Des mentions écrites. Tu sais, dans le cinéma muet, là, tu sais, il y avait de l'action. Après ça, il y avait une pancarte. Mentions écrites. Elle chercha à trouver, sans trouver. Non, elle chercha à trouver... En entrouvrant la porte. Et veux-tu recommencer? Oui. Elle chercha à trouver en entrouvant la porte. Mais que se passait-il? Elle se rendit compte que le bois avait une rondelle, pour ne pas dire une extrémité, pour ne pas dire un trou. La porte était trouée. Hey, ça, c'est un rebondissement, hein, dans le cinéma muet, là, puis... Là, il y a toujours des gens qui regardent à travers des serrures de portes. Quoique, est-ce que ça... Madame, oui, elle rigole, là, elle est à terre, tout le temps à terre. Elle glisse sur n'importe quoi. Il n'y a rien, puis elle glisse. Elle dit, il y a de la poussière, ben oui, c'est pas glissant, il y a de... Non. Oh! C'est... Non, un blessé, s'il vous plaît, venez au 4 allô, là. Touchez pas vos cartes, madame. On va dire la 405. Ah, à force d'aller dans ce dépanneur-là, moi. Non, c'est une épicerie asiatique. Pour aller chercher mes sauces chinoises et mon encens chinois et mon pâté presque chinois. Chinistine 455, 3e avenue à Québec. Ambulance! Ambulance! Non, merci. Non, merci. Oh. Pas ambulance? Pas ambulance, madame? Non merci. OK, pas d'ambulance. Ah. Là, qu'est-ce qu'on disait avant que je me cogne le tibia, le tibio dans la grelotte? Ah oui, c'est ça, le cinéma. Mais voyons, les messieurs de mon oncle, allez vous tout expliquer comment ça s'est passé à l'époque 1895. Cinéma des premiers temps. Ça pouvait brûler n'importe quand, tout ça, là, hein? C'était de la pellicule, on appelle ça l'instrument du diable, hein? Puis les gens avaient peur d'aller voir ça dans des foires, entre la dame à trois têtes, et Madame Tremblay à moustache, la femme à moustache. Brigitte Fontaine a fait une chanson là-dessus, la femme à moustache qui se tourne la danse, en volant des tampons, en oiseaux des dents. Mais quand tout est tentant, la femme à moustache, si la femme tout pas, ah, mais ça du temps, rembat, et non, et ça du temps, ah, bâti, ça du temps, oui, non, et mais c'est du rayon, ah, rembat, la tata, et non, c'est dans le temps, ah, bah, c'est du temps, non, non. Il est sage. Non, merci. Non, merci, OK. Non, mais Madame Fontaine, elle a plutôt ça, actuellement, là, depuis quelques semaines, elle a cette voix-là. Ça, c'est Raoul Duguay. Ben, lui, il prend deux, comme à Viaba, Vinana. Viens, nanana, mon... viens, manana, tout. Ah, c'est viens, manana. Il prend deux, viens, manana, puis il y a six manana qui passent par là. Moi, je lui dis, écoute, prends pas ça, change d'épouse, Puis là, il me dit, non, c'est bio-lit. En tout cas, c'est son problème. Moi, je... N'est pas touché par ça, moi. Moi, il n'est réglé ça, depuis des belles boulettes, des belles boulettes, des belles grosses boulettes, des belles boulettes, non. Depuis belle lurette, balbutier, et qui balbutie, et qui a l'œil qui vague. Je vais vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, ça se vit à grâce, madame, ça se vit à grâce. Et ça s'agite. Et puis il y a l'autre... des carottes sur le nez, qui se prend pour un bonhomme de neige et qui attend la fonte des neiges pour se dire « Ah, elle m'accoule pas, elle coule pas. » Mais non, elle coule pas, il fait même moins 25. Penses-tu que tu vas couler à moins 25? Non, merci. Allez-y. Oh, c'est le texte du « Non, merci, madame. » Non, merci. Oui, merci. Non, merci. Les amours unidirectionnels. Non, merci. Les amphithéâtres pour endormir un peuple déjà somnolent. Non, merci. L'abondance qui débouche sur l'indifférence. Non, merci. L'ego décontracté de petits prolétaires rampant au ras de la connaissance. Non, merci. Ah oui, deux. Non, merci. Là, c'est écrit de la connaissance. Tu dis trois fois non, merci, OK? L'ego décontracté des petits prolétaires rampant au ras de la communication. Non, merci. OK, bon. Je me fâche en direct devant mon public, puis sans doute que Mme Thibodeau disait « Il a l'air tellement gentil, je l'adopterai. Je voudrais bien l'adopter. Mais je suis même pas membre de CKRL. » Espèce de friponne, vous. 25$ CKRL. Demain, 418-640-2575. Dites qu'à l'émission Errance Renadienne, on vous a eu pour devenir membre, histoire de donner de la force à cette radio, donner de la puissance, donner toutes les chances pour vivre. Il faut vivre dans, non, pas dans l'abondance, là, mais juste être assez bien pour se mouvoir. Tout simplement ça. On ne peut pas devenir des bourgeois gentilshommes, là. Ou des malgamates, des malgamates. En tout cas, dites qu'Errance Renadienne, et puis donnez 25$. S'il vous plaît. Non, pas s'il vous plaît. Bon. Hey, imaginez-vous que j'ai pris l'avion pas récemment. Oh, hey, j'ai deux voyages à vous raconter. Mon Dieu, il s'est passé des affaires dans ma vie en une semaine. Non? Vous savez que... Ben, je vous le radote à un moment donné, ça va rentrer dans le cortex cérébral, puis ça va rester là. Je fais un voyage, puis je vous ramène aujourd'hui une jeune fille que j'ai placée dans ma valise. En fait, elle a bien voulu. Elle prenait pas de place. Bon. Puis, en fait, je trouve que ce qui me plaît chez elle, c'est que ses chansons me calment. Donc, moi qui souffre d'insomnie, elle peut m'amener à des allégresses sonores et surtout à un réconfort intellectuel. Bon. Et puis, donc, à Paris, parce que je reviens de Paris, des abbesses, à chaque fois je vais aux abeilles, me faire piquer la curiosité. J'aime ça me faire piquer la curiosité par des artistes, des chanteurs, des comédiens, des clowns. Mais c'est vrai, des clowns, j'ai rencontré deux clowns. Deux clones. Mais à part de ça, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, c'est ça, j'étais dans l'avion au retour. Et je l'ai relaté il y a quelques mois. Avec un Français qui était à côté de moi. Puis surtout sa petite dame à côté. Là. Mais moi, j'avais un duo, ça veut dire un band duo, là, pas un trio. Fait que sa femme était de la ranger à côté. Vous me suivez? Okay. Pour les gens qui vont aux toilettes constamment. Moi, là je comprends pas. Là. Va pisser, va faire tout ce que tu veux avant de monter en haut, avant de monter dans l'avion puis aller en haut. Puis arrête de nous emmerder. Excusez. Puis là, toujours aller pisser. Je sais pas, aller... Qu'est-ce qui se passe, là? Voyons donc, calmez-vous, Saint... Hein? Moi, là, écoute, au moment où j'entre dans l'aéroport, que je sors de chez moi pour prendre le taxi pour me rendre à l'aéroport, et jusqu'au moment où je sors de l'aéroport à Paris, là, après avoir monté, fait 6 heures et quelques de route, c'est à mon auberge de jeunesse que là, je vais pisser. Pas avant. Puis croyez-moi qu'à bord de l'avion, j'en bois un coup. Moi, je suis VIP, là. Je prends option plus pour les connaisseurs là, de certains vols. Bon. Et puis, donc, j'ai au moins là, 4 litres dans le corps, puis moi qui vais uriner pour 3 fois rien. Là, hein? Je pleure, là, puis je maman. Tu es en train de prier, là. Je m'avale 2-3 lames et puis j'en urine 3-7. 3-7 de corps. Ça fait 1 mètre, c'est 25$. 3-7 de corps. Mais non, c'est 2-7 de corps. En tout cas, c'est rendu combien? Est-ce que c'est dans. Y a-tu un spécial là-dessus? Mais c'est ça. Quand ça tombe et ça rentre dans ma bouche. Quand je suis pas en dehors, que, en fait, quand je marche là, sur Terre, pas en haut, quoique je peux être en haut en étant sur Terre. Mais ça, c'est une autre histoire. Là. Oh mon Seigneur, Gaétan, viens chercher ton Rénal. Mais je pissais ici au corps de tour. Mais dans ma tête, je me bloque. Je suis capable. Je me bloque dans toutes les situations. Je peux me bloquer là. Comme ça. Regarde, écoutez bien, je vais me bloquer là. Je me suis bloqué, je suis capable, n'importe comment. Dans le discours, dans c'est pas pour rien, je m'appelle Rénal. Cérébral, c'est rénal. Je suis comme un militaire, moi, là. Regarde la monotonie. Monotonie. Bon, il y a... Militaire 23e. Non. Stéréotonie, ça existe. Non. Stéréotonie, ça n'a jamais existé, madame. C'est ça, ouais. Vous avez 2 fils militaires. Bon. Qui vont servir au front. Bon. Mais moi, je sers aux joues. Moi, c'est quand tu ris. Lui, c'est au. Eux servent au front. Moi, c'est aux joues. J'avais mal, hein? Il riait, pauvre pêcheur. C'est ça, hein? Bon. L'homme à la recherche de sa raison ou les achats. Ah non, je ne peux pas parler de tout ça. Oh oui, rapidement. OK. Ah oui, c'est ça, le français. Excusez-moi, là, je parlais d'un autre titre. Reviens à nous, Renan. Reviens à nous. Oui, je suis revenu. Il a neigé à Port-au-Prince. Il y avait un gars de... Mais la jeune fille à côté, sa femme était sublime. Bon. Et puis, mais c'est pas ça. Lui m'a envoyé un courriel hier pour me dire « Ah, ça fait longtemps, je suis revenu de là-bas, puis c'est vraiment beau ton pays, le Canada. » Ah, ben là, j'ai envoyé un courriel. J'ai dit « Mon ami, si tu veux qu'on reste amis, mon pays, c'est le Québec. » Bon. Et là, il dit, je savais que tu allais réagir. Tu sais, un vrai français, là, il fait chercher quelqu'un à travers le temps. Il va te mousser le « one dadada mes pouces café ah! ». Et puis, il travaille pour Europe 1, la radio Europe 1. Et lorsque je retournerai là-bas, il veut me rencontrer avec ses copains Els and Balls. Il veut qu'on parle de musique et de rock and roll. Alors, je crois bien que je vais avoir un poids excédentaire au niveau de mes colis. Parce que mon tombeau pèse 350 livres. C'est du bois enchanté d'être en chaîne. Et puis, qui m'enchaîneront jusqu'à la fin de mes jours. Alors, l'homme à la recherche de sa raison ou les achats alcoolisés. Oui, madame! Un bonhomme arrive dans mon établissement. Je travaille, moi, dans le milieu des achats et des retraits. C'est curieux, hein, mais c'est comme ça. Achat-retrait, c'est moi, ça. Monsieur achat-retrait. Je vends des articles. Là. Légal, c'est légal. Tout ce que je vends, c'est légal. Là. Moi, je suis illégal, mais tout est légal à part le commis. Et puis là, ce qui arrive, c'est que le monsieur entre à 2 heures du matin. Il rentre, mais ça prend 2-3 minutes avant qu'il puisse ouvrir la porte et pénétrer. Donc, s'il y a de la misère à pénétrer dans l'établissement, imaginez-vous dans le reste. Hein? Bon. Et, ben, je veux dire, Oui, ça, c'est de la censure, madame. Connaissez-vous ça? Non, merci. Non, merci, OK. Et puis, là, il s'en va dans le côté des produits laitiers, arrive avec une douzaine d'œufs. Douzaine d'œufs, deux. Ça sort ça. Est-ce que le deux sort bien? Douzaine d'œufs. Bon. Place ça à la caisse, retourne dans les produits laitiers et ramène 3 autres douzaines d'œufs. Retourne dans les produits laitiers et amène 4 litres de lait 2%. Ça va dans les produits laitiers et ramène deux pots de crotons. Des crotons. C'est bon, des crotons. J'ai jamais aimé ça, des crotons, mais c'est bon, des crotons pour plusieurs personnes, là. Amène ça. Puis nous, nos crotons sont à 6,99, madame. 6,99, ça veut dire en euros, ouf, au moins 4,05 €. Hein? Et puis, donc, puis après ça, il s'en va chercher du fromage, pas en grains, mais du fromage en tranche. Hey, 12 fromages en tranche chez nous, là, c'est 8$. On achète 2. Fait payer, ça coûte 48$. Sort dehors. Entre à l'intérieur sans ses sacs, il dit J'ai dit non, il s'est trompé. Non, mais j'ai dit il s'est trompé. Non. Monsieur on dit, oh, OK. Pouvez-vous-tu appeler un taxi? C'est un Québécois, hein? Langue française numéro 1. Pouvez-vous-tu appeler un taxi? Pas de problème, monsieur. Fait que là, j'appelle le taxi. Pendant que le taxi arrive en direction de chez nous, à mon lieu de travail, entre à l'intérieur, le bonhomme entre encore à l'intérieur, va chercher 3 douzaines d'œufs et 4 litres de lait. Ça lui coûte 16$. Sort à l'extérieur et le taxi arrive, donc embarque dans le taxi. Moi, je sais très bien qu'il ne se souvenait plus d'avoir acheté tous ces douzaines d'œufs-là et le fromage et les crotons et le lait. Il a mis ça à quelque part et embarqué dans le taxi avec uniquement le sac qu'il vient tout juste d'acheter. Que le taxi part, je sors à l'extérieur, je vois les deux sacs à côté parce que c'est on vend de l'essence, des pompes à essence. Prends les sacs, amène ça à l'intérieur, place ça sur les à l'intérieur des en tout cas dans les présentoirs, dans les rayons. Et en parle à mon gérant le lendemain, je dis mon gérant, oui c'est moi. gérant, rendu compte de cette histoire-là. Il n'a pas réagi. En fait, il n'a pas réagi. Bon, l'homme, en fait, je n'attendais pas de réaction non plus. Il faudrait qu'il y ait du courant. Il n'y a pas de courant. Sans préliminaire, à vif, dans le feu de l'action, sans arrêt sur image, que de flux, que de défilement d'événements, que de l'excès au milieu de la déraison, que de flammes, que de qu'en dira-t-on, que de chatonnes encore étonnées. Que de chatons encore étonnés, que d'éclairs sous l'explosion créative, que de fictives trahisons pour les puristes restés là sur la marge de l'extravagance, arrêtés, endormis sur leur conformité. En résumé, quel cirque narratif! Tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet. Monsieur le Président, bienvenue à Errance Rénaldienne. Attention, Facebook, Errance fait son entrée. L'absurde aventure, c'est nous. Aujourd'hui, le vendredi 23 octobre 2015, les Errances Rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée. Les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot, confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Quand je vous dis, entreprises en manque de direction, oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de l'auteur, compositrice et interprète Garance. Garance se présente sur scène avec justesse et honnêteté. Elle choisit de faire résonner ses mots au travers d'un son brut, sans après. Après plus de 200 concerts et un album, c'est accompagné par la radio nationale France Bleu et ses antennes en région. Que Garance sort. Hey, mais ça ne veut rien dire. C'est parce que je n'ai pas fait les césures à la bonne place. Parce que quand tu ne fais pas tes césures, ça fait dur. Garance se présente sur scène avec justesse et honnêteté. Elle choisit de faire résonner ses mots au travers d'un son brut, sans après. Après plus de 200 concerts et un album, c'est accompagné par la radio nationale France Bleu et ses antennes en région que Garance sort aujourd'hui son nouvel EP. Aujourd'hui, c'est-à-dire au printemps 2014. Mais attention, attention, hormis tout ça, en juillet 2015, CKRL et Errance Rinaldienne se trouvaient là, à Paris, pour rencontrer cette fille des plus intimistes, talentueuse, enjôleuse. Un voyage chargé pour cette nuit, chargé d'étoiles, et vous en êtes l'une d'elles. Faut-il s'arrêter ici et laisser la musique nous envoûter? Mais pourquoi pas? Bonne émission et surtout, on se revoit après quelques mélopées et rencontres radiophoniques. C'est pas grand chose, ou parce que je l'avais pas vu. C'est pas si simple ce que je te propose, ou ça dépend du point de vue. Peut-être parce que c'est pas légal, pas que c'est légiféré. Parce que tu me sembles pas très normal, j'ai des raisons d'espérer. Peut-être parce que c'est pas si grave au fond d'en arriver là. Je tiens pas bien le coup quand tu me regardes, grand fou avec ces yeux-là. Moi j'ai des complexes, plein les jambes et des axes oubliés. Tes rêves de midi net à vendre et l'entendresse démodée. Peut-être parce que je suis la plus belle, bien la plus apprêtée. Que j'ai gâché sous mes aisselles un petit bouquet de pensées. Peut-être parce que je rigole toute seule et que j'aime bien me foutre de toi. Parce que j'adore quand tu m'engueules en me criant arrête ça. Peut-être parce que j'aime plus personne à part le piano et moi. J'ai même pas peur que tu m'abandonnes, il me restera toujours le charme. Moi j'ai des conclusions hâtives et des envies plein le ventre. Parce que je préfère tes discours. Quand tu me dis qu'est-ce que t'es chiante. Peut-être parce que je suis capricieuse, rien qu'une petite garce mal élevée. Que je n'offrirai pas honteuse à tes mamans décolletées. Peut-être que j'ai mis mes dessous roses et des fourmis sous mes doigts. Et je ne le dirai pas, je n'ose. Mais j'ai tellement envie de toi. On dit qu'après trois verres de rouge on m'a parfois retrouvé. Le regard suspect tout au fond d'un bout. J'ai pas très bien entouré. Moi j'ai des idées super balèzes en ce qui concerne ma larmée. Lève-toi donc, bouge le cul de ta chaise, enlève-moi, je vais te montrer. Peut-être parce que j'ai pas mangé ma soupe quand j'étais petite. Qu'au fond je le suis toujours restée. Le conte de fées se casse moins vite parce que je suis toujours une princesse. Moi je fais ce que je veux dans la vie. Et ouais je gamberge et ouais je paresse. Un coca glaçon je t'ai dit. Moi j'ai les faces de Johannes. Moi mon serviteur s'appelle John et mon âme se prénomme James Dean. Parce que je commande pas mes sushis, on s'en charge très bien pour moi. Reste là, attends. Non mais je dis des conneries. T'es à moi, pars pas comme ça. Moi, je veux un mec qui en balance et qui m'en demande pas trop. Moi je veux un mec, juste une évidence, un qui me ferait grimper au rideau. Moi j'en veux un vachement trop beau, que je pourrais lui dire tout le temps. Viens si on regarde les oiseaux depuis le temps que je t'attends. Peut-être parce que j'ai rien demandé, je voulais pas le boire le whisky.

shots of pain. Shock me, Satan. No cigarettes, only build of runners for you. Rénaldienne sur CKRL-NF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagné. C'est quatre soeurs.

avec son flair et sa forêt sauvage. Il avait l'air de venir d'un autre âge. Je n'attendais rien, je n'attendais personne. J'ai plongé dans le bain où vont boire les lionnes. Et comme des fauves au coucher du soleil, on a fui le sommeil. RLNF, le 89.3 à Québec, avec Reynald Garnier. Ça pèse pas l'eau, les yeux bleus. Ça pèse pas l'eau, le feu. Les petits mots sur la table. Les dimanches passés sous les rimbles. Ça pèse pas lourd ta caboche. Les beaux discours, les croches. Ça pèse pas lourd, tu flippes les verres de trop. Les tripes, ça pèse pas lourd 600 pages pour raconter le naufrage. Ça pèse pas lourd, tu t'en fous. Toi, tu cherches l'issue, le bout, ça pèse pas lourd. Les idées rock, les idées rock, les idées rock, ça pèse pas lourd. Les idées rock, les idées rock, les idées rock, ça pèse pas lourd. Les soupirs, les jeux d'enfants, les rires, ça pèse pas lourd. Les grands soirs, les étoiles, ça pèse pas lourd, c'est pas lourd. Les tapes dans le dos, ça pèse pas lourd. Les heures, les quarts de tour, les erreurs, ça pèse pas lourd. Le courage pour raconter le naufrage, ça pèse pas lourd. Ça pèse pas lourd au creux de ta main. Ça pèse pas lourd, ça fait rien. Et ça fait rien, et ça fait rien. Et ça fait rien, ça fait rien. Et ça fait rien, et ça fait rien. Et ça fait rien, ça fait rien. Chers amis, si... si je vous... si je vous ai bien compris, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.